écoute la elle dit berger. C'est notre mission. Vous savez, Père Saint-Méry, de ramener les perdus à Jésus. Non pas afficher de l'indifférence, de l'insouciance, de l'indolence face aux perdus, mais leur tendre la main de grâce et de miséricorde pour le voir choisir le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Par notre concours, par notre persévérance, par notre vie exemplaire, par nos paroles de grâce, amener les perdus à Jésus-Christ. Non pas juste les critiquer, les dénigrer, parler à mal d'eux, mais nous devons leur tendre la main du salut. Car Jésus qui nous a sauvés, il est celui qui veut aussi les sauver. Mais il utilise nos canaux. Il utilise nos corps disponibles, notre bouche, nos yeux, nos oreilles, nos mains, tout ce qu'il y a de nous ici, pour véhiculer l'évangile, le message du salut, le message de préparation à l'enlèvement, à une voie du salut pour l'humanité, pour échapper à la colère ardente du Dieu Tout-Puissant. L'enlèvement fait partie des plans du salut. Que les élus soient épargnés des affres de la colère de Dieu. Tous ceux qui entendent la voix du Seigneur et prennent au sérieux son avertissement, en préparation intensive pour ne pas rater ce grand rendez-vous qu'est l'enlèvement. Car après cela, nous irons au festin de noces là dans le palais céleste, et la rencontre avec le Seigneur se fera dans les airs, et de là il nous amènera dans le palais, la salle de festin, la salle des noces. Il y aura les noces de l'agneau, des joies ineffables et des couronnes qui seront distribuées aux heureux vainqueurs et vainqueurs de cette longue bataille. Bon courage dans le chemin du Seigneur. Bonne victoire jusqu'à la fin du chemin. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions maintenant pour l'occasion ô combien précieuse que tu donnes à nos âmes de nous rassembler ce matin en son lieu, non pas sous l'envoûtement des démons comme ça s'est passé hier au stade des martyrs, mais sous l'appel du Saint-Esprit, lui qui veut sauver les âmes. Nous t'appelons sur la scène pour que tu donnes gloire à ton nom, Seigneur. Le nom miraculeux et merveilleux, le nom éternel de Jésus-Christ. Prends soin de chacun maintenant, en nourrissant ses femmes, en l'éclairant de ta lumière de soir, en nous sortant de la boue du péché, en nous détachant des envoûtements, du démon, des sorcelleries et de la magie, de l'opétrisme et de l'occultisme. Bénis chacun, mon nom de Jésus-Christ, pour le service divin, pour l'amour de la vérité, pour le salut que Dieu donne. Délivre chacun, mon nom de Jésus-Christ, pour la vie éternelle, la vie de sanctification, l'attachement au royaume de Dieu. Reçois les hommages qui viennent de nos cœurs, sois adoré du fond de nos âmes, pour les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir, et dont nous sommes les bénéficiaires. Soutiens-nous dans la bataille, dans les combats, soutiens-nous dans le service du Seigneur, pour porter haut le flambeau de la victoire de Golgotha. Parle à chacun maintenant, brise la froide de l'Amérique, toutes les pesanteurs laodicéennes, en ayant dit cela et détruit cela, toutes les pesanteurs des maladies, détruit cela, Seigneur, car tu es pour nous le grand médecin, le qui guérit en réalité, qui nous décharge de nos fardeaux. reste avec nous dans le puissant nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre prophétique de l'Apocalypse. À deux endroits, Apocalypse chapitre 11, le verset 3 à 14, et également Apocalypse chapitre 16, le verset 12 à 16. Le texte peut paraître un peu long. Nous en lisons deux ici, mais soyons attentifs à ce qui est dit. Apocalypse 11, versets 3 à 14. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et le vaincra et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Nakopesa batatoli nangai mibale nguya pe bakosa kola mikolo nkoto nankama mibale nantuku motoba nakolataka nkoto bango wana bazali bilaya mibale mpe bitelemelo na mwinda mibale ikotelemaka liboso na nkolo na mokili soko moto moko azali na mposa na kozokisa bango moto ekobima na minoko na bango kozikisa bayini na bango soko moto moko azali na mposa na kozokisaka bango ekozanga te kokufa na bango bongo te. Bango wana bazali na nguya na kozipa likolo ete mbula enoka na mikolo na kosakola na bango te. Bazali pe na nguya na kobongolaka mai na makila mpe na kokabolaka mokili na bolozi mbala na mbala na tango elingi bango. Wana ekosilisa bango litatoli na bango nyama oyo akobutaka na likulu na mozindo akobundana na bango etumba akoleka bango mpe akoboma bango. Bibembe na bango bikotikala na balabala na mboka yango monene oyo ebyangami na lisese ete Sodom na Egipito kuna nkolo na bango mpe abakisamaki na ekulusu. Bamosusu na bibolo na mokili na minoko na mabota bakotala bibembe na bango mikolo misato na ndambo mpe bakopesa na nzela ete bikundama na litiya ya te. bango bavandi na mokili bakosepelana po na bango mpe bako yoka esengo bako kabolama na makabo mpo ete basakoli yango mibale batumolaki bavandi na mokili kasi na sima na mikolo misatu na ndambo mulimu na bomoi oyo ebimi na nzambe akoteli bango mpe batelemi na makolo na bango mpe somo monene ekweyeli bango nyonso batali bango bayokaki mongongo makasi na likolo koloba na bango ete butwa awa babuti na likolo kati na lipata mpe bayini na bango bamoni bongo na ntango yango mokili eningani mingi mpe ndambo na zomi na mboka yango ekweyi bato nkoto sambo bakufi na koningana mpe bango batikalaki babangaki mingi mpe bakomisaki nzambe na likolo mawana mibale esili mawana misatu ekoya noki Apocalypse chapitre 16 le verset 12 à 16 Emoniseli zomi na motoba mulongo zomi na mibale kino zomi na motoba. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Oye ya motoba asopi mbeki na ye na ebale yango monene pelata. Ma yango bakauki ete nzela ya bongisa mampona bakonzi balongwe na ibimelo na tango. Na moni milimo na mbindo misa tulokola mbemba ko bimaka na muno pona relatona. Mpe na nyama, mpe na mosakuli na lukuta. Mpote, basalinde milimo mabe bakosala kabilembo ba oyo bakei epai na bakonzi na mokili nyonso ko yangani saka bango Bona yetumba na mokolo yango munene na nzambe na muzi na nguye nyonso. Tala, na kwele lokola moibi, esengo na ye oyo angengeli mpe abateli bilamba na ye ete, atambola bulungute mpe amonisama nsonite. Bayanganisi bango na esika ebyangami na munoko na bayebelete, ala makadon. Zakari chapitre 12. Zakaria mokapo ya zomi na mibale. Verset 10 et 11. Mulongo ya zomi pe zomi na moko. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celles qu'ils ont percées. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Nakosa palikola nandako na Dawidi mpe likolo na bavandi na Yerusalem, molimo na mawa mpe na kolombaka. Nako talela, bakotalela ye oyo esili bango kotobola. Bakolela ye lokola moto, akolela kampo na mwana na ye na likinda. Bakoyoka mpe bololo mpona ye lokola moto, ayoka bololo mpona mwana na ye na liboso. Na mokolo yango bileli mingi ikozala kati na Yerusalema lokola bileli na adada limono na loboku ya mikidono. Radio bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun la bienvenue à la table du Seigneur. Vous ne voulez pas? Mais quand on vous souhaite la bienvenue, pour montrer que vous avez accepté, vous êtes d'accord. Et que cela aura des effets, Voilà, Tala. Nous souhaitons à chacun la bienvenue à la table du Seigneur. L'Église, nous devons être actifs. Nous ne venons pas comme spectateurs, comme nous venons pour agir pour Dieu. pour exprimer l'amour de Dieu et pour manifester le zèle que nous avons pour son nom, pour sa vérité, pour sa parole, montrer notre amour pour sa personne. Dans l'église, il faut ça. Donc, cette semaine qui vient de s'achever a été quelque peu trouble parce qu'elle a débuté par une nouvelle tragique parmi nous. L'une de nous, une fervente croyante de notre message, membre de cette église ici, nous avons cité la défunte sœur Élise Ama, nous a quitté inopinément. Non pas pour donner du terrain au démon de la mort prématurée, loin de là. Quand vous connaissiez dans la spiritualité, il ne s'agit pas de l'esprit de mort prématurée qui aurait attrapé quelqu'un ici, rien à voir. Cet esprit a été lorgné, détecté à temps et il a été vaincu longtemps avant. Et le Dieu d'Abraham a fait le serment au fils et aux filles d'Abraham que sa postérité possédera les portes de ses ennemis. Et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et Dieu qui ne ment point dans les promesses et dans le serment. Il est impossible que Dieu mente quand il a juré que la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Nous qui par la grâce de Dieu possédons ces portes là. Nous possédons la porte de la mort prématurée. C'est la vérité infaillible du Dieu qui ne ment point. L'Écriture dit que par des choses dans lesquelles Dieu, il est impossible à Dieu de mentir. Le serment et la promesse. La parole du Seigneur ne peut jamais faillir. Quand vous prenez l'assaut d'une porte de l'ennemi, sachez que vous faites plus que vainqueur. Et il ne peut venir troubler que les âmes mal affermies ou immatures pour leur dire, vous voyez, vous avez dit que vous prétendez combattre la mort prématurée. Est-ce que vous pouvez avoir la victoire sur la mort prématurée? Et nous vous avons dit non. Les immatures et les mal affermis peuvent s'embrouiller avec des démons comme ça. Mais par la postérité d'Abraham, il a le discernement et la victoire. Et nous contrôlons cette porte jusqu'à présent. Et nous demeurons plus que vainqueurs. Pas besoin d'avoir peur. Car la peur est une malédiction pour l'Église. Pas besoin de se laisser troubler. Car le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Il ne s'alarme point. Qui dit amen. Mais la parole, il faut avoir des dents et avoir une main pleine de foi pour manipuler l'épée de la parole. Et quand l'ennemi va essayer de trouver un accès, il faut garder les portes fermées. Ce qu'il y a eu est que le Seigneur n'a pas voulu donner sa gloire à un autre. Mais son honneur aux idoles. L'aigle doit voir et comprendre. Des fois, quand nous devons y penser, c'est presque choquant. Mais comment est-ce possible que nous avons commencé cette semaine avec notre sœur, parlant avec elle, et elle est partie en train de converser avec nous. Il a fait sa volonté. Il a épargné sa fille. Et il l'a placé dans son économie en notre faveur. Mieux vaut que nous l'ayons là-bas. Et dans les troubles et les confusions ici sur le sol. Dieu l'a épargné pour nous. Que son âme repose en paix. La bataille continue. On ne se moque pas de Dieu. Ne faites pas le mal. Pas de mariage mixte. Pas de compromis avec le péché. Restons fermes dans l'amour de la vérité. Que la gloire revienne au Seigneur des mondes. La bataille se poursuit. Notre ennemi cherche une occasion favorable. Il avait pensé que le départ de la sœur Élise était pour lui une occasion favorable, il s'est encore lamentablement trompé. Ici, dans l'église de Dieu, il n'attrapera personne avec ce genre de mensonge. Nous sommes assez avisés pour discerner ce qu'il y a. Alors, qu'il cherche une autre occasion favorable. Mais l'église est déjà avertie. De fermer les portes. Hein? D'être vigilant. Comme Jésus l'a été. Béni soit le Seigneur. Mais vous savez, même quand il avait essayé dans son deuxième grand assaut d'attraper Jésus, lorsque son occasion favorable était venue, il s'était frotté la main pour dire je l'ai eu par la mort. Alors, regarde, allez, je vais voir ce qu'ils vont causer. Maintenant c'est foutu. Jésus, une fois dans l'au-delà, s'est montré dans les corps théophaniques. Plus qu'aucun des saints de l'Ancien Testament n'a pu le faire. Et il a demandé à Satan les clés. Et tout pouvoir lui a été retiré. Même la dernière chose sur laquelle il a agité, pour se faire valoir, lui a été confisqué. Lui pensait qu'en tuant Jésus, il y a des vêtements du peuple de Dieu. Il a pris le dessus cette fois-là. Mais Akuna Matata, Dieu a un plan merveilleux. Et sa vérité est en marche. Elle ne change jamais. Il la révèle à ses disciples pour déjouer le piège de l'ennemi. Pour échapper à ses malveillances. Et voilà comment le tabernacle a échappé au piège du démon de la mort. Par la mort du même Seigneur Jésus-Christ, continue à nous faire du bien jusqu'à présent. Il continue à donner des défaites à ses assauts. Et cet esprit méchant, nous contrôlons la porte et nous la contrôlons. Sur base de la promesse infaillible de Dieu, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Mais regardez la même semaine. Elle se termine hier au centre des martyrs par un concert qui a envoûté presque toute la ville de Kinshasa. Les esprits ont été terriblement envoûtés. Et les gens sont allés en masse là-bas au stade de martyr pour le concert. Ils ont oublié qu'il y a à peine 2 ans. La même star de la musique avait tenu un concert en France. À Paris précisément, en 2020. Alors que nous ici en RDC, nous n'avions pas de coronavirus qui avait déjà duré à cette époque-là 3-4 mois en Occident. Beaucoup de Congolais ont afflué dans le même stade là-bas à Paris. Dans le lieu où devait se tenir ce concert. Le même instrument qui a été utilisé. En 2020, au mois de février, le concert s'est tenu. C'était au micro. Comment on l'appelle encore? L'animateur là qui anime généralement, si on veut l'appeler modérateur, c'est dans les cérémonies classiques. Mais dans la musique là, il y a un nom. Ils ont combien beaucoup de rebelles dans Kabaton? Qui? Non, pas qui c'est. Pas. Il y a un nom là. Ça m'échappe momentanément. Peut-être que vous allez trouver. Bon, nous ne sommes pas pour les choses du monde, hein. Vous voyez tout ça? Alors, ça peut m'échapper. C'est pas un péché. Après, si ça va venir, ou si quelqu'un de vous décide, je vais me rappeler. Alors, c'est lui-là qui tenait le micro. Le maître des cérémonies ou le maître il était contaminé séance tenante et il est mort 3 jours après. Et c'est à l'occasion de ce concert-là, dans la suite des jours, que les Congolais qui avaient fait le déplacement se sont retrouvés au pays après le concert et ils nous ont apporté le coronavirus dont le fief, vous vous souvenez, était à Gombe. La commune de Gombe, chaque jour. Depuis le 10 mars, le premier cas de coronavirus a été détecté. Et c'est de là que cette maladie a envahi aussi le pays. Il y a à peine une dizaine de jours que l'on a estimé que le nombre de cas de coronavirus a sensiblement diminué et que notre population congolaise a atteint un peu le stade de l'immunité collective pour déclarer presque la fin de cette épidémie ici chez nous au Congo. Il est écrit à peine 10 ans de jour que le professeur Mouyé Mbetanfoum a eu à faire cette déclaration. Donc, on a presque déclaré en des mots voilés la fin du coronavirus en RDC. Mais comme nous devons toujours rester vigilants, on ne peut pas affirmer de manière absolue, on parle de manière comme cela. C'est presque fini le coronavirus. Alors qu'il y a une dizaine de jours que cela est passé, voilà un méga concert programmé au stade. Par le même instrument qui avait été utilisé pour introduire le coronavirus en RDC. Les Congolais sont allés dans ce stade-là en masse. Ils avaient défié les histoires de le coronavirus, ce sont des farces, ce sont des montages des médecins et tout ça. Ils veulent bouffer l'argent aux gens. Ils ont raconté des histoires comme ça. Et ils sont morts en masse là-bas. Hein. Au début, là, en France, beaucoup de ceux qui mouraient de coronavirus étaient des noirs congolais. France, parce qu'il venait du conseil. Il n'a pas respecté les gestes barrières. Avec l'esprit de Kinoa de tout boudé, ils sont allés dans le même comportement et ils sont des victimes en grand nombre. Au point qu'à un moment, on commence à penser que ce serait le racisme des Français contre les Noirs. Alors que c'est juste l'indiscipline légendaire des Congolais. Indiscipline comme mode de vie. Après, on va raconter des théories du racisme et tout. Donc, après, c'est l'indiscipline, légendaire des Congolais. Donc, mode de vie des Congolais, l'indiscipline. C'est pitoyable. Maintenant, ils sont allés pour affluer là-bas au stade. Savez-vous le bilan que ça donne jusque-là? Bilan du concert, 11 morts et plusieurs blessés. Et ce qui m'étonne, c'est que dans l'une des vidéos, Eux-mêmes là qui étaient allés remplir le stade, devant les corps là, ils voyaient les corps mourants. Ils voient les corps étalés. Les jeunes gens, des hommes et tout. Mourants. Il y a même un jeune garçon de 13 ans qui est tombé du haut du stade, là jusqu'en bas. Mort sur place. Et ça qui n'a rien moi en bas les mots quoi les bouchons mais ça toi quoi y'a tout tel il dans une des vidéos il y a même les garçons qui disaient ils citent son nom Fari ni Moussadio mais vous êtes au stade vous êtes venu pour ça maintenant vous demandez il a fait quoi Robert Salini ni Moussadio Bicho ni Moussadio yo et puis il cite son nom et c'est des gars là-bas tous ici et là-bas et ça a confié ça oh Salini attendez comment au Salini ok, 11 morts. Chers amis, quand vous regardez puisque les images même publicitaires de ces stars, la manière, les postures, ne voyez-vous pas le diable en démonstration? Mais est-ce qu'une petite spiritualité peut vous aider à lire entre les lignes les signes démonologiques à travers les images publicitaires? Et voilà. Maintenant, on est à 11. On était à 7, on a dit 8, et puis c'est 11 maintenant. Selon les sources médicales. 11 cadavres. Voilà. Ce sont des bilans. Et là, sont partis comme ça. Ok. On va les pleurer. Et on tourne la page. Sont-ils sauvés? Pouvons-nous dire que leurs âmes reposent en paix? Vous savez que non. Leurs tourments ont commencé en plein stade même. Avant même de rendre les derniers souffles, les tourments avaient déjà commencé. Imaginez maintenant le pire dans l'au-delà. Que Dieu nous aide à nous attacher au Seigneur. Quitter les choses du monde. Quitter le plaisir du monde. Nous devons mettre notre plaisir dans la loi de Dieu. D'abord, vous savez ce qui est écrit dans les psaumes 37 ici? Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Hein? Fais de l'Éternel tes délices, et lui t'accordera ce que ton cœur désire. Mets ton plaisir en lui. S'il y a un plaisir affiché, c'est là-bas, dans les psaumes 112. Il est écrit ceci. Verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Alléluia. Et c'est dans la moto Oyo à Kobanga Kayawe. Sa postérité, verset 2, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Voilà la promesse du Seigneur. Votre désir, votre plaisir tout grand, mettez-les dans les commandements de Dieu. Ici dans le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et sa gloire subsiste à jamais. Et la gloire des musiciens, des stars, de la musique et tout ça, c'est des vents. C'est éphémère, sacrifice humain des fois, mais à la fin, vous verrez que tous vont décliner. Cette gloire va se faner.','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Craignons Dieu, marchons dans ses commandements. Dieu ne vous privera aucun bien quand vous marchez dans sa crainte. Tout ce à quoi vous avez droit, il le reconnaîtra et vous le donnera. Ici dans le psaume premier, la parole de Dieu dit ceci, verset 1 et 2. Verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir, c'est vraiment ça, dans la loi de l'Éternel, comme vous maintenant ici. Au lieu de remplir un stade pour les musiques profanes, remplissons l'église ici. Vous allez remplir la parole. Oyo atelemi na isika na nzela na bato ya masomo te. Oyo vandi isika moko te na batoli. Kasi mposa na ye, ezali na kati na moboko na Yawe. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ezali kosa pe na kati na moboko na Yawe mpe akokanisa kempe na moboko yango butu na moyi. Comment est-il se forme sur la terre des vivants? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. C'est la promesse infaillible du Dieu vivant. Et Abraham, Dieu de David, a dit ça. Et votre cœur croyant, il ponctue d'un amen. Ça ne faillira jamais. Dieu est vivant pour l'accomplir pour nous. Il fait le réussir. Même là où le diable te donne l'impression que tu as échoué, l'esprit de vérité en toi te rappellera que tu as réussi. Tu as réussi dans les leçons que Dieu te donne de la vie. Car pour mieux apprécier la réussite, il faut des fois passer par l'école de l'échec. Mais beaucoup ne veulent pas apprendre. Nous voulons les raccourcis. Hein, le succès, c'est pas bon. Dieu est un formateur pour nous. Soyons attentifs à toutes les leçons qu'il veut nous donner. Et les conseils qui s'embouchent veulent nous prodiguer. Notre plaisir doit être dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que même les premiers disciples ont cru l'évangile au commencement de l'église à la Pentecôte. Ceux qui acceptèrent sa parole avec joie furent baptisés. Nous devons recevoir l'évangile avec joie. Est-ce que cette joie vous la ressentez? Maintenant même là, nous sommes déjà à l'étape de la prédication. Est-ce que cette joie-là de recevoir la parole, recevoir la parole avec joie? Mais si je parcours les bilongi awa, c'est pas pour les bilongi qui expriment la joie. C'est comme si certains bilongi ne sont pas encore arrivés face à face avec Dieu. Si je parcours les regards ici, c'est... il y a des visages timides, des visages tristes, des visages sommes-nous là? Voyez ça? Mais pourtant, quand on tourne les regards vers l'Éternel, le visage est revenant de joie. C'est un verset bien connu ici dans le psaume 34 ici. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Bilongi na bango ekozipa mana soni te. Tournez les regards vers Jésus-Christ. A-t-il tourné? Quand Moïse allait là-bas dans la présence de Dieu, son visage reflétait la gloire de Dieu. Mais toi, tu es dans la présence de qui? Il y a des visages qui sont dans la présence de leurs propres soucis. Et on voit le visage inquiet, incertain. C'est questionnant. Tu es dans la présence de tes propres soucis. Ou dans la présence de tes nombreux problèmes. Et le temps tourmenté toute la semaine, ils te poursuivent même à l'église le matin dimanche. Est-ce que Mikumba wana koko sundula mwana na mugete? Ozoti ke langoka espace, ezoko bako se refléter na elongi na yo. Na mote kuta komiko réveillo. Malgré l'onction, la prédication, elongi na zubi makakawa. Ezo ya kaka, misu etamboli muke esongi ka epai na yo. Parce que le visage est comme suspect. Semaine, mon bimba, au tikeli, yango sala musala. Ou comme il y a un peu d'image, ata, moi, ça m'a quoi repose, ata mouke, ou se pelana le monde ensemble, ou se pelana le monde ensemble, et y est kakarifi. Même l'église, ça, ça devient de l'acharnement. On ne doit pas tolérer ça. Wana. Et pungi, si on a un peu, boutou, et puis me l'y a pungi. Et la nuit, on tient l'église. Non, vous, c'est kaka, et l'on voit, ne koba kaka. Et le moko fani, on dirait inconscience. Et il y a un peu de s'exprimer dans les longues. Trop de soucis. Et tout qui c'est de qui? Trop de problèmes. Ma camboué de qui? Nous autres, passe, passe. L'inga y est tombé dans notre. Là, comme il tourne à Ponani, il paye jusqu'à quand? Qui n'a pas moi de. Mais elle a noté, on en a pas semblé? Non, non. Eh, top pour la monnaie bien. Ah, mais. Ibanda. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais je te dis un repos, c'est lui qui a promis le repos. Il a promis le repos. Rien que de savoir que tu es proche de lui maintenant. Et que le péché est momentanément enfermé dehors. Ici c'est le seuil où la gloire de Dieu se manifeste. David a dit, éternel, j'aime le seuil de ta maison. Là où la gloire se manifeste. Déjà même quand j'entre juste dans ce seuil. Je sais que la gloire de Dieu ne manquera pas ici. Il me consolera. Il me parlera. Il montrera qu'il souhaite ce que je sens. Il va partager mes sentiments. Il est sous le sacrificateur miséricordieux. Il est dans le service de Dieu. Gloire à Jésus ton Dieu. Nous devons contrôler les portes de l'ennemi. Nous contrôlons les portes de l'ennemi. En tant que fils et filles d'Abraham, notre plaisir est dans la parole. Et maintenant, c'est le temps de la prédication de la parole. Donc le plaisir doit devenir maximal. Si à l'étape des chants, nous avions du plaisir, même dans les chants collectifs et dans les chants particuliers qui étaient chantés, et nous avons éprouvé du plaisir. Alors quand vient le moment de la parole, le plaisir doit devenir maximal. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est à la maison de l'Éternel que nous entendons la parole. Dans la maison de mon père, il y a la parole, la parole. Alléluia, dans la maison de mon père, il y a la parole, la parole. Alléluia, dans la maison de mon père, il y a le message, le Je veux que quelqu'un prenne conscience de ça. Amen. Mieux vaut un jour dans les paradis de l'Éternel que mieux que l'on compterait qu'on passerait ailleurs. Dans les paradis de l'Éternel. Le seuil de la maison de Dieu. La puissance au Père. Tu te sens gardé? Tu te sens gardé? Amen. Amen. L'ennemi peut dire, ah, mais à ta bolobi bongo, vous allez nous mettre bien au calati. Moko kouya makali kali. Tout le monde a confusion, voilà, c'est bien au nabino. Oh, vous avez dit que ma téléphone est sans moi, sans moi et tout. Donc, vous étranglez, moko na tout le monde. Avant que le tissu. Comme ça, tout le monde a global souligné. Satan ne réussira rien. Amen. Satan attend que le côté colombe. Pourquoi quand vous ne comprenez pas les enjeux du combat spirituel, vous restez trop dans l'intellectualisme avec des logiques. Et vous ne voyez rien. Ah, mes chers amis, le Seigneur Jésus a versé son sang pour cette église. Il a accepté le sacrifice suprême pour cette église. Et il va vous laisser seulement comme ça. Amen. Mes brebis sont dans la main de mon Père. Et nous ne les attirons de la main du Père. Quand nous citons l'écriture, le diable attrape des vertiges. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Adorer leur Dieu, servir leur Dieu. Dieu nous a promis de meilleures choses quand nous venons devant lui. Il a dit ceci, Ésaïe 55. Il a promis quoi? Ésaïe 55, verset 1. Et puis nous lirons le verset 3. Et après nous lirons le verset 12. Écoutez, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Yaka, au son d'un vignona, ma belle, la mousseloté, la moutouyen pété. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez sans moi. Amen. Écoutez et votre âme vivra. Amen. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Amen. Verset 12. Oui, c'est Amen. Vous sortirez avec toi. Amen. Yokana nous sont. Dieu dit Amen lui-même. Amen. Vous sortirez avec joie. Amen. On dit mité bongo. Amen. Il a le bon. Le sang boit les locaux bimanaïs que mon Dieu. Mais Dieu l'a dit. Amen. Amen. Vous sortirez avec joie. Amen. Et vous serez conduits en paix. Amen. Et les montagnes et les collines éclateront dans les graisses de vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Amen. Amen. Les amis d'Ango. Satan supplie. Les amis d'Ango, pour être beaucoup de mains, na yesum. Beaucoup de mains, na kinia. Ngomba paye, nkeke. Libosan abino, il faut bandanya pour le banzem. J'ai dit Satan a eu vertige. Je ne vous parle pas des illusions. Nous sommes au front maintenant. Chaque fois qu'il est tenté, Jésus-Christ, notre divin modèle, il est écrit. Et quand la parole venait avec l'autorité, Satan perdait la bataille. Il en est de même maintenant même. Nous avançons dans la foi. Je veux que chacun de vous sorte avec joie. Jusqu'à expérimenter la plénitude de la promesse. Être conduit dans la paix. S'il faut traverser dans l'opéra, serait conduit en paix. Que Dieu soit béni. Que son nom soit loué. Alors dimanche passé, de la bataille d'Armageddon aux portes de Jérusalem. Aujourd'hui, nous posons la question de savoir comment débutera la bataille d'Armageddon, la guerre d'Armageddon. Comment débutera-t-elle? Parce qu'elle n'a pas encore débuté. C'est pour ça la raison de notre question. Comment débutera-t-elle? C'est une question prophétique. Elle débuter et conjuguer au futur. Et mettre en question. Comment débutera la bataille d'Armageddon? Comment débutera-t-elle? Essayons d'y répondre ce matin. Nous avons lu un long texte dans Apocalypse chapitre 11. À partir du verset 3 jusqu'au verset 14, notre prédication ne va pas détailler chacun de ces versets. Car il faut reconnaître que c'est long pour une prédication d'environ 1h30 ou 2h. Détailler chacun d'eux. Franchement, jusqu'à 20h ce soir, on n'aura pas encore fini. Nous serons en train d'expliquer verset après verset. Pour le mettre en lien dans les programmes prophétiques. Et voir chaque fois quelle était la pensée du Saint-Esprit. Mais parce que nous avons une question à laquelle nous essayerons de répondre. Par la grâce de Dieu, nous irons droit au but. Alors dans Apocalypse 11, nous voyons au verset 1 et 2 une indication prophétique. Qui dit quoi? Ça, on n'a pas lu pour introduire la prédication. Mais je reviens pour contextualiser la portion que nous avons lue du verset 3 au verset 14. On me donna un nouveau, un roseau semblable à une vache, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Là, c'est un contexte où des vérités prophétiques sont annoncées. La première est au verset 1, c'est la mesure exclusive du temple de Jérusalem. Et il a été donné au prophète Jean sur l'île de Patmos, un roseau semblable à une verge pour le faire. Et il a mesuré effectivement le temple de Jérusalem. C'était dans la vision où il voyait. Depuis qu'il a écrit ça jusqu'à ce jour, ce temple ici qu'il a mesuré dans la vision n'est pas encore construit jusqu'au moment où je vous parle ici. Mais Jean l'a vu et Jean l'a déjà mesuré. Cela veut dire que ce temple sera effectivement construit. Et ce temple sera effectivement mesuré. Et ça a été donné à Jean à l'époque où le temple de Jérusalem venait d'être détruit. Comme Jésus avait prévu dans Matthieu 24, il ne restera pas ici pierre sur pierre, que tout ne soit détruit. Wana simana kubati sama kana temple oyo Yerusalemu pele mokonkolo Yesu Kristo sila kolobete na matai tukumbale na milete libanga likolona libanga kotika lawati. L'ancien temple reconstruit par le roi Hérode. Temple oyo kala oyo zongi sama kana kotongama na mokonzo Hérode. Qui en était à la 46e année de sa reconstruction depuis qu'on avait commencé à reconstruire, ça comptait déjà 46 ans. Sans que les travaux entrepris par les rois ne soient achevés quand Jésus est sur terre. Tant que Yassou a fait la modèle au temple en moi, bandit sa milice, quoi, ton gamin à ma congé et l'autre. Et la guinée à mon goût, tout comme il a moto, mais j'en ai mis à l'agence en mots. Non, mais c'est la cathédrale. On continue à reconstruire les rangs splendides et beaux. Et à ma bande de copains, la porte en paix, comme il s'en va qui toque. C'était plus joli que le temple construit par le roi Salomon autrefois. Et la guinée à mon zenga collecteur, qu'un temple, oh, vous posez-vous le moton de Kirkana. Et les gens sont venus montrer à Jésus, les disciples ont montré à Jésus la beauté de ce temple-là. Comment c'était devenu magnifique. Le roi Hérode lui-même était à la tâche travaillant. Mais Jésus s'est levé. Un jour il a dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Les yeux ont eu les troubles. Un temple qui nous coûte si cher. Et il a fallu 46 ans pour l'amener là où il est ici. Et toi tu dis que tu vas les rebâtir en trois jours. Mission. Jésus ne parlait pas du temple que le roi Hérode rebâtissait à Jérusalem. Mais il parlait du temple de son corps physique. Mes chers amis, quand le moment est venu et que les disciples ont montré à Jésus la beauté de ce temple-là physique, que le roi Hérode faisait reconstruire depuis nombreuses années. Jésus leur dit, je vous dis en vérité, il ne restera point ici pierre sur pierre. Il a annoncé la destruction du temple. Et environ 40 ans après cette annonce, en l'an 70, le général romain Titus est venu avec l'armée romaine. Il a envahi Jérusalem. Il a massacré de nombreux juifs là-bas. Le sang a coulé comme des rivières dans les avenues de Jérusalem. Et cela est arrivé aux juifs parce qu'ils avaient rejeté leur Messie. Et qu'ils avaient réclamé haut et fort que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le temple avait été brûlé par cette armée romaine. L'on avait tout détruit. Et environ 20 ans après ça, Jean reçoit la vision sur l'île de Patmos avec l'ordre d'écrire dans un livre, c'est l'Apocalypse, tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait. Et parmi les choses qu'il a vues, dans la période de deux ans où il a reçu ses visions sur l'Apocalypse, l'an 95 à l'an 96 après Jésus-Christ. Parmi les choses qu'il a vues, il a vu le temple construit à Jérusalem. Et on lui a donné un ressort semblable à une verge pour mesurer le temple. Là où physiquement le temple n'existe plus. Là où jusqu'à présent le temple devait être détruit. Tous ces 2000 ans passés. Le temple là est dans un état de démolition. Jusqu'au moment où je vous parle. Mais Jean a vu le temple construit à Jérusalem et ayant des mesures précises. Ça, c'est l'avantage de l'œil prophétique. Il voit ce que l'œil ordinaire ne voit pas. Et il vous annonce des choses que des fois vous ne comprenez pas. Mais des choses réelles parce que pour Dieu elles existent. Nous serons amenés dans les domaines visibles. Êtes-vous là? Et Jean a procédé aux mesures. En maintenant un ressort semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Béni soit le Seigneur. Ici, il y a une période précise, une période prophétique bien déterminée pendant laquelle les nations fouleront la ville sainte qui est Jérusalem au pied. C'est 42 mois. Faisons pause. Allons dans Luc chapitre 21. Verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Et l'événement qui est annoncé ici est celui dont je parlais brièvement, l'invasion de Jérusalem par le général romain Titus en l'an 70 après Jésus-Christ. Et cette écriture prophétique est déjà accomplie et fait partie de l'histoire maintenant. Nous avons pris particulièrement à veiller sur base de ça. Pour les jeunes nations maintenant. Avant l'enlèvement, non. Déjà passé. C'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Il dit au verset 22, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Dieu s'est vengé du sang de son Fils. Qui a été injustement mis à mort à la croix. Criminellement mis à mort. Dieu est venu se venger sur la ville où il a été mis à mort, où son sang a été répandu. La ville de Jérusalem. La preuve est trouvée dans quoi? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre son peuple. La colère de Dieu contre ce peuple. Ils ont massacré son fils unique. Alors il devait payer pour ça. Mais l'homme kanda epayi na libota oyo. Alors Dieu dit au verset 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée des Israélites. Et c'est arrivé littéralement. Et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Ça aussi c'est de l'histoire complète. Ils l'ont été pendant presque 2000 ans ici. Jusqu'avant qu'ils ne puissent se reconstituer à partir des années 1917 sous le général britannique Allenby qui a commencé à mobiliser les Juifs et à les secouer pour qu'ils puissent regagner la terre promise. Sera foulé au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Indéterminé ici. Comme dans Apocalypse 11. Il s'agit de deux événements différents. C'est que le Seigneur Jésus annonce en 21. C'est que Jérusalem devait être foulée au pied par les nations. Pendant une durée d'années indéterminée. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. En d'autres termes, jusqu'à ce que les temps des nations arrivent à leur fin. Autrement dit, jusqu'à ce que les séparés de l'Église touchent à leur fin. Les temps des nations ou les séparés de l'Église. Donc, Jérusalem devait être foulée au pied. Et pendant ce temps, les Israélites devaient être amenés captifs dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Or, ils ont été amenés comme cela. Au premier âge de l'Église. Pendant que le premier âge de l'Église d'Éphèse n'est totalisé que 17 ans. Dans l'an 70, l'âge de l'église d'Éphèse ne comptait que 17 ans, qui a commencé en l'an 53. N'avait que 17 ans, c'était au tout début des âges de l'église. Et maintenant, ils sont ramenés dans leur territoire officiellement depuis 1948. Depuis le 14 mai 1948, Israël est de nouveau une nation sur son territoire. Et Jérusalem qui était un passoire de toutes les nations est devenue la capitale de l'État hébreu. Est devenue une propriété des Israélites. L'État d'Israël. C'est leur ville à eux et le tourisme s'y font. Qu'est-ce que ce signe là vous montre? Que nous sommes au temps de la fin. Retournons dans le prophète Moïse. Deutéronome chapitre 4. Le vieux prophète Moïse et le grand prophète Moïse. Il dit ceci au verset 27 à 29. Il dit ceci. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Yahweh akopalanganisha kabila kati na batu. Pepo kwa sika la batu na mtu ya mingi te kati na mabota wana ikotinda Yahweh bino. Et là, vous servirez de Dieu, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Kuna boko sale la kaba nzambe na nzete mpona libanga. Ba oya basalami na maboko na batu. Bako talakate, bako yokakate, pe bako liakate, pe bako lumbulukakate. C'est là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Kasi, atakuna, soki okulukakaya wa nzambe na yo. Verset 30, au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Écoutez, alors, dans la suite des temps, autrement dit, au temps de la fin. Autre traduction, au temps de la fin, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Amen. Wana ekozala yo na bolozi. Pe makambo onyoso makweli yo na mikolo na suka. Okobuta epai na nzambe na yo, mpe okotosa mongongo na ye. C'est au temps de la fin qu'Israël devait retourner à l'Éternel. Après avoir servi des idoles, Israël avait la promesse de retourner dans son territoire. Et qui devait les ramener là-bas? Allons dans Jérémie chapitre 31. La parole prophétique précise les choses encore. Ça s'adresse aux nations connaissantes. Il est écrit ceci, Jérémie 31, verset 10 et 11. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Nous le faisons. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Amen. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Dieu est fidèle, il l'a fait. Dieu l'a fait, nos yeux sont témoins. Verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers le bien de l'Éternel. Le blé, les moux, l'huile et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Parole prophétique encore accomplie. Écoutez une autre précision prophétique au verset 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, le consolateur parle à son peuple affligé. Lui qui a vengé le sang de son fils, mais il est le même qui a prévu la restauration de son peuple. Il dit, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Dieu a prévu et il l'a fait. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Toutes les nations, Dieu va les rassembler de nouveau dans leur territoire. Il y a de l'espérance pour ton avenir de l'Éternel. tes enfants reviendront dans leur territoire. Et vous dire, on va lui prendre un temps où il y a, Yahweh a le plus beau. Est-ce que c'est confirmé? Dieu l'a-t-il fait? Faut-il retourner dans leur territoire? Dieu est fidèle. Il les a dispersés au premier âge de l'église. Alors que l'âge de fête ne comptabilisait que 17 ans. Ils ont été amenés captifs dans toutes les nations sur le soleil. Mais il les a rassemblés dans leur territoire maintenant. Et Jérusalem fait de nouveau partie de leur territoire maintenant. Alors que pendant des siècles et des décennies, c'était foulé au pied par les nations. C'était devenu le théâtre des croisades. Surtout au 10e siècle, 11e siècle. Vous avez étudié la histoire profane, les guerres des croisés. Les croisades qui ont eu lieu excessivement au cours desquelles les Juifs ont été massacrés, immolés, tous ceux qui ont tenté de rentrer là-bas étaient mis à mort. Les nations se disputaient le contrôle de Jérusalem, le contrôle de la ville sainte, le contrôle du pays d'Israël. Et Joël a annoncé, nous l'avons lu dimanche passé. La guerre de la maison aura lieu aux portes de Jérusalem. Il amènera toutes les nations là-bas dans la vallée de Josaphat. Et là, il entrera en jugement contre les nations au sujet de son pays d'Israël qu'ils se sont partagés. Les Palestiniens ont pris une partie qui ne sont rien d'autre que des Philistins modernes. Les Jordaniens ont pris une partie. L'Iran est en train de menacer là-bas. La Cisjordanie prend un morceau. Et que ça nous revient. La Transjordanie prend aussi un morceau. Les autres viennent du côté de la mer morte. Ils veulent prendre une partie ici. Ils veulent la bande de Gaza là-bas. Et... Frère, il y a déjà un jugement prévu à cause de tous ces sabotages. Et c'est dans la guerre d'Armageddon que Dieu va frapper contre la nation. Aujourd'hui, Israël a déjà récupéré une bonne partie. Mais ils n'ont pas toute la totalité. Jusque-là, il y a les islamisants qui sont en train de les gêner dans leur propre territoire. Les Palestiniens qui occupent une partie de Jérusalem. La moitié ouest et la moitié est. Les Juifs occupent une partie et les colons juifs occupent une partie. Et tandis que les Arabes occupent une autre partie. Jusqu'à présent. Alors il y a eu parmi eux quelqu'un, bon, son mandat est passé. Benjamin Netanyahu, un politicien à l'esprit prophétique. Il s'est dressé là-bas et il a commencé le projet de construction de 10 000 logements dans Jérusalem ouest, là où il y avait des Arabes. Il est allé les provoquer, ça a créé des troubles, mais il a foncé, il a essayé de construire. Pour l'Israël, pour récupérer tant soit peu les territoires. Benjamin Netanyahu. Il n'agissait pas de lui-même, c'était l'esprit de prophétie qu'il a mis. Avant lui, il y a eu un premier ministre traître et lâche, malheureusement. Que Dieu nous pardonne.